Une vie d'un compliqué d'un enfant du ghetto. J'ai grandi là où t'as même pas idée. C'est la guerre, j'ai même plus sommeil. Overbooké, des choqués partout, j'suis trop validé. Mentalité de Pablo Gaviria, j'ai la peau pour tous les shootés. Les ennemis à bord du RSQ3, j'ai passé tous mes shooters au numéro 3. Cette nouvelle est lovée, j'vais la santé. J'ai une offre sur ma société, je signe les contrats. Banalisé, j'reconnais la queue plat. J'ai dit banalisé, j'reconnais la queue plat. A chaque nouvelle sortie, c'est moi numéro 1. Que de platine, diamant, or j'ai fait de même plus. Lamborghini comme voiture de fonction. Suffit pas d'avoir les contacts mais les notions. Stress et paillettes, j'suis laissé sur ma route. Billets violets, bon pour tout recommencer. J'ai pas réparé ce qui gênait ma route. Et j'ai pu m'appliquer, j'vois pépé que sur ma rêve. J'ai responsabilité, j'ai la part à couteau. Jusqu'au 2-4 ans, c'est là je reçois des demandes. Ça y est maintenant, c'est moi j'ai pris les commandes. Ça y est maintenant, c'est moi j'l'ai fait à la main. Jeune enfant du ghetto, cherche là mon espèce de feu sapin du gâteau. Puis son petit veto, t'en plains pas des mi-temps. Veux pas aller au mi-temps. Lève-toi et se couche tard. C'est l'enfant du ghetto. Ça j'ai trop redouté. Les enfants j'ai doublé. Ça j'ai trop redouté. Mais au fond j'ai mal. Ça j'ai trop redouté. Même ça m'a traumatisé. Ma famille à l'abri, j'ai gagné le pari. Des diamants sur ton cou, ça, ça fait beaucoup. Non, je te dirai pas le prix, oui. Allez, R en auto, j'ai les chutes du loto. Près de l'avenue montaine, mais tu sais que t'es scellé. Les sentiments sous scellé, moi d'avion quand tu m'appelles. Toujours sur moi, j'ai l'embelli. J'connais ma tête souvent, puis c'est quand on la tête sous moi. J'connais ma tête souvent, quand on la tête sous moi. Mais j'connais ma tête souvent, ça te vise quand on la tête sous moi. Mais j'connais ma tête souvent. Traîner en bas de ma tour, envie de changer, j'ai besoin d'un tour. J'ai tous les jours des paiements, j'ai vu tout tout de suite, pas besoin d'attendre. Je veux voir ma vie au soleil, mais je suis pas pressé, là ça va, j'ai le temps. Donc ça charbonne tous les jours, ma mère travaille, puis je la paie ses vacances. Jeune enfant du ghetto, cherche la monde, espèce de tout. Feu sapin du gâteau, puis son petit veto. T'en plains pas de mi-temps. Lève-toi et se couche tard. C'est l'enfant du ghetto. Ça j'ai trop redouté. Les efforts j'ai doublé. Ça j'ai trop redouté. Mais au fond j'ai mal. Ça je l'ai trop redouté. Même ça m'a traumatisé. Ça je l'ai trop redouté. Mais au fond j'ai mal.